Si le péché ne peut pas lier Jésus, il ne peut pas non plus vous lier sans votre permission. Bonjour. Les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Plusieurs chrétiens sont incapables de vivre la joie et la paix que Dieu a préparée pour ses enfants parce qu'ils sont dominés par des attitudes ou des habitudes. Ce genre de situation est-il inévitable ou existe-t-il une solution? Aujourd'hui, à En Contact, Charles Stanley identifie la clé qui vous libérera de l'esclavage du péché. Vous entendrez une explication encourageante de ce que signifie l'expression « vivre comme un crucifié ». Comme le titre le suggère, cette étude révèle que notre victoire dans la vie chrétienne réside dans la croix. Restez avec nous pour suivre les explications de Charles Stanley et comprendre plus votre relation avec la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus-Christ. Voici Charles Stanley. Je vous présente aujourd'hui la clé, la solution de chaque problème que vous pouvez avoir sans exception. Si vous écoutez et mettez en pratique ce que je vais vous enseigner, rien ne sera plus comme avant. Peu importe les circonstances que vous vivez et depuis combien de temps vous les vivez, peu importe que vous vous sentiez déprimé, désemparé, découragé ou désespéré, je suis heureux de vous offrir la réponse à votre problème et la solution à votre situation. Plusieurs choses se produisent lorsque vous acceptez par la foi d'être identifié à la crucifixion, à la mise au tombeau et à la résurrection de Jésus-Christ. Premièrement, vous avez une nouvelle attitude envers vous-même. C'est une des premières constatations. Vous ne serez plus préoccupé par votre vie, vos intérêts, votre plaisir, votre satisfaction ou vos besoins. Remarquez ce que Paul dit dans Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Puisque Jésus-Christ vit maintenant en nous, nous sommes conscients que nous démarrons une vie nouvelle. Nous commençons à zéro, car rien ne nous oblige plus à vivre l'existence que nous menions auparavant. Rappelons-nous ce que Jésus disait dans Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Or, dans Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul proclame la crucifixion de celui qu'il était, soit Saül de Tarse. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il est essentiel de nous rappeler que ce n'est plus notre vie, mais sa vie que nous vivons, car c'est sur ce principe que tout ce que je vous enseignerai aujourd'hui repose. Nous devons accepter le fait que, bien que nous ayons le même corps qu'auparavant, une vie différente agit en nous. Ou, pour reprendre l'expression de Paul, toujours dans Galates chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ qui vit maintenant en vous. Et avec une nouvelle vie en vous, une toute nouvelle vie, vous pouvez vous attendre à des changements et à une perspective de vie différente. Deuxièmement, ce qui devient évident dans votre vie est votre relation avec les autres personnes. Elle va se transformer, car maintenant, vous pouvez commencer à vous identifier. Votre identité personnelle, votre estime de vous-même et vos valeurs proviennent de votre relation avec Jésus-Christ et ne dépendent plus de vos relations avec les autres. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes un serviteur ou une servante de Dieu. Votre identité et l'image que vous avez de vous-même ne sont plus reliées à une relation que vous entretenez avec une autre personne ou avec un autre groupe de personnes dans ce monde, mais elles sont reliées à la personne de Jésus-Christ lui-même. Tout ce que vous pensiez de vous-même ainsi que de vos relations avec les autres va être transformé alors que vous permettez à Christ de vivre en vous. Vous pourrez alors constater les changements qui s'opèrent en vous et dans vos relations avec les autres. Troisièmement, vous allez savourer la victoire, car vous triompherez d'habitudes et de péchés qui vous avaient toujours dominé jusque-là. Lisons, si vous le voulez, Romains chapitre 6, verset 6. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Le péché est présent en nous, et il va y demeurer jusqu'à ce que nous quittions nos corps mortels. Mais ce que Paul veut nous faire remarquer ici, c'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Aussi, grâce à la puissance de la résurrection du Christ qui vit en nous, nous pouvons marcher dans une vie nouvelle. Nous avons été crucifiés, nous sommes morts, nous avons été mis au tombeau et nous sommes ressuscités avec Christ. C'est en ce sens que les choses ont changé. Même si vous êtes sauvés et que vos péchés sont pardonnés, le péché présente toujours un problème. Vous pouvez être sauvés et être en même temps esclaves du péché et de toutes sortes de tentations. Vous pouvez être sauvés et être encore dominés par toutes sortes d'habitudes. La plupart des croyants sont encore aujourd'hui probablement dominés par quelque chose ou par quelqu'un dans leur vie. Mais la voie de la crucifixion est le boulevard sur lequel nous pouvons marcher librement, briser nos chaînes et nous affranchir de toutes nos mauvaises habitudes. Car Christ vit maintenant en nous. La puissance du péché est brisée. À vrai dire, elle a été brisée à la croix. Nous avons été identifiés à la mort de Jésus-Christ. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Nous vivons à présent une nouvelle vie dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Si le péché ne peut pas lier Jésus, il ne peut pas vous lier non plus sans votre permission. Vous ne pouvez pas comprendre la vie qu'offre la croix et être tout de même vaincu à moins que vous l'ayez décidé. Rien ne vous oblige à connaître la défaite. Si vous avez été vaincu, vous l'avez choisi délibérément. Vous avez pris une décision en faveur de la défaite et en faveur du péché. Si je ne sais pas qui je suis, si je ne connais pas ma position, si je ne sais pas ce qui m'appartient, si je ne sais pas que Jésus-Christ vit sa vie ressuscitée et toute puissante en moi, je céderai à la tentation et je me trouverai des excuses en disant par exemple « Seigneur, c'était plus fort que moi ». C'est pourquoi Paul nous déclare dans Galates chapitre 2, verset 20 « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Existe-t-il une situation que Jésus ne peut pas régler? Existe-t-il un problème pour lequel il n'a pas de solution? La réponse est non. Satan a-t-il déjà vaincu Jésus? Non! Chaque fois que nous décidons de réagir à la tentation comme Jésus l'a fait, nous obtenons la victoire. Mais si nous laissons notre chair réagir à la tentation, en pensant naïvement que nous pouvons nous en sortir seuls, nous subissons la défaite. Le péché nous retient prisonniers lorsque nous pensons ne pas pouvoir agir autrement. Et en fait, c'est vrai. C'est pourquoi Paul ne mentionne pas que nous nous améliorons. Non, il parle d'un remplacement. Christ nous a remplacés dans notre vie. Nous ne pourrons jamais faire mieux. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'apôtre Paul a crucifié sa vieille nature pour permettre à Christ de vivre en lui. Notre seul espoir de victoire réside en Jésus-Christ. Pour vaincre les tentations et ne pas succomber au péché, nous devons laisser vivre le Fils de Dieu en nous. Il nous utilisera alors pour que nous vivions nous aussi une existence sanctifiée, sainte et glorieuse. Je le répète, il est notre unique chance de nous en sortir. Par conséquent, lorsque nous commençons à comprendre ce que signifie vivre comme un crucifié devant Christ, nous abandonnons nos droits. Être crucifié avec Christ signifie que nous avons renoncé à notre droit de satisfaire nos besoins à notre façon. Et nous donnons ce droit au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre nouvelle vie. Il a l'entier privilège et le droit de guider nos vies et de satisfaire nos besoins, quels qu'ils soient, physiques, matériels, émotionnels ou spirituels. Nous décidons que Dieu a le droit de satisfaire nos besoins comme il l'entend, quand il le veut, que cela nous plaise ou non. Au fond, nous lui donnons carte blanche sur nos vies. Lorsque nous sommes disposés à accepter le fait que nous sommes crucifiés, morts et ressuscités avec le Christ, Dieu assume sa responsabilité et il subvient à nos besoins. Il sait exactement ce qu'il nous faut car il nous connaît. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à abandonner nos droits et à laisser Dieu agir comme il entend? Si vous répondez par l'affirmative, je peux vous assurer que cette décision sera une des plus libératrices que vous aurez prises dans votre vie. Abandonnez vos droits et laissez Dieu vous défendre. J'aimerais attirer votre attention sur autre chose. En tant que chrétien, vous expérimenterez certainement la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans votre vie quotidienne et dans votre service envers lui. Paul mentionne cette puissance de résurrection plusieurs fois, entre autres dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 10. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Paul explique ici qu'il s'est détaché de toutes les choses qui auparavant comptaient pour lui, comme son héritage et tout le reste, afin de connaître Christ ainsi que la puissance de sa résurrection. La plupart des croyants travaillent selon la chair, car ils servent le Seigneur en utilisant leurs propres expériences, leur éducation, leurs dons, leurs talents et leur habileté. Nous aimons tellement dire « Je vais m'en sortir, j'ai de l'expérience dans ce domaine ». Or, c'est une erreur. Dieu ne désire pas que nous travaillions par nos propres forces. Il veut que nous travaillions par la puissance de Christ. Lorsque nous décidons d'agir par Christ qui est en nous, ce n'est plus notre réaction, ni notre force, notre sagesse ou notre connaissance. C'est celle de Dieu. Et nous revenons encore à ce que Paul enseigne dans Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'entends à présent résonner l'écho de votre question. Et je vous répondrai ceci. Ce n'est pas parce que Christ vit en nous que cela signifie qu'il fait tout et que nous nous croisons les bras en le regardant faire. Non, absolument pas. Je vais illustrer mes propos par deux exemples. Est-ce que Jésus resta à rien faire? Non, il était occupé. Est-ce que l'apôtre Paul restait assis à ne rien faire? Non, Paul était un homme fort occupé également. Et à quoi s'occupait-il? Il s'occupait de choses qui ont une valeur éternelle. En laissant Christ conduire notre vie, nous serons libérés de la pression que les autres ou les événements exercent sur nous et du stress, tous deux destructeurs. Il y aura toujours un peu de pression dans notre vie. C'est une excellente chose. Car si nous n'en ressentions pas, nous resterions couchés, car nous manquerions de motivation. Nous serons donc toujours confrontés à la pression et au stress, mais notez bien que j'ai spécifié que nous en serions libérés. Nous devons nous appuyer calmement sur Christ en toutes circonstances. Si nous comprenons qu'il s'agit maintenant de la vie de Christ et non plus de la nôtre, nous devons également être conscients des conséquences. Nous lui donnons accès à notre vie. Nous lui permettons d'en prendre possession. Nous l'invitons à vivre en nous, car, en réalité, nous sommes à présent sa vie. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Christ vit en nous. Notre corps physique est le temple du Saint-Esprit. Il ne nous appartient pas. Nous sommes désormais une expression de Christ qui vit sur la terre. Et si vous vivez réellement cette relation avec Jésus, vous allez trouver le repos, car vous comprendrez qui vous êtes. » Lorsque nous acceptons Christ comme notre Sauveur, il est également intéressant de noter que nous apprenons à vivre la vie qu'il nous a offerte. Revenons une dernière fois à Galates chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul nous apprend dans cet extrait que le fait de vivre par la foi est une nouvelle expérience pour lui. Qu'y a-t-il de nouveau? Ceci. Nous avons dorénavant tout en Christ. Dans Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10, Paul nous explique d'une façon remarquable que nous sommes complets en lui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Que veut-il dire? Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a dit que la plénitude de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vivaient en lui. Écoutez bien, Paul tente de nous faire comprendre que le même Christ habite en nous. En lui, nous avons tout, nous sommes complets. En fait, le texte original grec est traduit plus littéralement par « ayant été pleinement comblé ». Le temps passé du verbe dénote une action terminée. Cela signifie que nos besoins, tels que la faim, la soif, les désirs de notre esprit ou les langueurs de notre âme, peuvent être satisfaits par Christ, car il vit réellement en nous, comme le mentionne Paul. Il nous a pleinement comblés, puisque, lorsque nous avons Christ, nous avons tout pleinement en lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Peut-être, pensez-vous, cela fait plusieurs années que je suis chrétien et je n'ai jamais ressenti cela. Ce ne sont que des mots pour moi. Vous avez peut-être raison, ce qui nous amène à un constat troublant, mais réaliste. Tant que nous ne serons pas prêts à reconnaître que nous avons échoué en tant que chrétiens, nous aurons échoué. Et si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, cela ne nous prendra pas 15 secondes avant de nous en rendre compte. Plusieurs d'entre nous pourraient dire, « Non seulement ai-je échoué comme chrétien, mais j'ai échoué comme père ou comme mère. Je ne suis pas parvenu à être le fils, la fille, l'ami, l'étudiant, l'employé ou l'employeur que j'aurais dû être. J'ai échoué dans ce que j'aurais dû réussir. Pourquoi? Parce que je ne me suis placé au centre de ma vie. » Parce que mon principal intérêt dans la vie, c'était ma propre personne. J'ai satisfait mes propres besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou intellectuels, et je les ai satisfaits comme je l'entendais. Demandez à Dieu de vous montrer des aspects de votre vie où vous subissez continuellement des défaites. Par exemple, il pourrait s'agir de toujours remettre au lendemain des choses qui devraient être faites dans la journée même, de votre propension à parler en mal des autres, de votre cupidité, des pensées morales liées au sexe, de votre tendance à vous montrer malhonnête ou d'une mauvaise habitude. Il pourrait s'agir d'un problème qui vous domine et qui vous a toujours dominé, d'une chose que vous détestez, même à laquelle vous cédez constamment, d'une chose que vous méprisez, mais qui contrôle malgré tout votre vie, d'une chose dont vous aimeriez être libéré, mais qui vous tient captif même encore aujourd'hui. Demandez à Dieu de vous montrer ces aspects de votre vie qui vous rendent prisonnier. Et lorsqu'il s'exécute et fait remonter ses mauvais penchants à la surface, priez-le. « Père, je crois dans l'autorité de ta parole. Tu as dit que lorsque Jésus a été crucifié, j'ai été moi aussi crucifié. J'ai été mis au tombeau et j'ai ressuscité. Je suis maintenant assis à ta droite et je marche sur la terre en nouveauté de vie. J'accepte ta parole par la foi. Par la foi, j'accepte ma crucifixion. J'accepte que Jésus vive en moi et j'accepte cette nouvelle vie en lui. » Je vais éclairer mes propos en les illustrant par un autre exemple. Admettons que Dieu vous montre qu'au fond de vous-même, vous cherchez toujours à tromper. Priez en ce sens. « Père, j'ai décidé de mourir à la tromperie dans ma vie. » Ou « J'ai décidé de mourir à la luxure dans ma vie. » Ou encore « J'ai décidé de mourir à l'avarice dans ma vie. » Cette décision vous rend tout puissant, car vous possédez Christ qui vit en vous. Le péché perd son emprise sur vous. Par la foi, vous dites à Dieu que vous acceptez votre position de crucifié. Vous jouissez ainsi de la nouvelle vie de Jésus-Christ en vous. Par la foi, vous pouvez décider chaque jour comment vous vivrez. Par la puissance du Saint-Esprit, vous préférez la mort à toute tentative de séduction de la part de Satan, qui cherchera à vous faire chuter. N'hésitez pas à dire à Dieu que vous acceptez, en vertu de votre expérience et par la foi, votre position en Christ. Vous avez été crucifié, mis au tombeau et ressuscité avec lui. À présent, revendiquez votre héritage. Vous pouvez désormais profiter de votre nouvelle vie grâce à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Si vous êtes prêt à vous présenter devant Dieu et à lui tenir un tel discours dans vos propres mots, il commencera à travailler dans votre vie. Dès l'instant où vous lui direz que vous acceptez par la foi votre position de crucifié et de ressuscité, vous débuterez une vie nouvelle. Mais attention, votre décision devra être aussi déterminée que le jour où vous avez déclaré « Seigneur Jésus, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur ». Et à partir de ce jour, je veux vivre pour toi sous ta divine direction. Cette décision a changé votre vie et a eu des répercussions pour l'éternité. À présent, si vous faites confiance au Seigneur Jésus-Christ, de la même façon pour la vie crucifiée, Dieu accomplira encore plus de choses fantastiques dans votre vie actuelle et dans celle qui vient. C'est une promesse. Cette vie crucifiée et la porte d'entrée vers une marche victorieuse dans l'esprit. Vous exercerez, par la foi, votre nouvelle vie grâce à la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui habite désormais en vous. Je dois confesser que j'ai échoué de nombreuses fois dans ma vie. Pour pallier ces vaines tentatives, il n'y a qu'une seule solution, expérimenter la crucifixion et la résurrection avec Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'améliorer sa vie, mais bien de la remplacer par la vie de Christ. Dans l'émission d'aujourd'hui, Charles Stanley nous expliquait que Dieu ne se contente pas d'améliorer notre vie, il la remplace par la vie de Christ. C'est seulement lorsque nous acceptons d'être crucifiés avec Christ que nous expérimentons une vie chrétienne victorieuse. En écoutant cette émission, je me suis rendu compte que j'avais vécu des expériences similaires à celles des chrétiens qui s'identifient à la croix de Christ. Entre autres, l'expérience de ma conversion a dramatiquement changé mon image de moi. Il y a presque 20 ans, je suis entré pour la première fois dans une église évangélique et je me suis joint à l'assemblée un dimanche. J'étais à l'époque un mauvais garçon qui préférait festoyer plus que de servir Dieu, même si je le cherchais. Et tandis que le pasteur livrait son enseignement, j'ai soudain ressenti une présence à l'intérieur de moi. Bien entendu, puisque le dimanche matin suivait de très près le samedi soir, j'ai tenté dans un premier temps de me souvenir du cocktail de drogue et d'alcool que j'avais pris la veille afin de déterminer ce qui pouvait bien provoquer un tel effet. Pourtant, aucun amoncellement de neurones gelés ne pouvait expliquer cette présence en moi. Je me sentais très bien. Je ressentais le genre de chaleur intérieure qu'on peut ressentir lorsqu'un étranger nous sourit. J'étais intrigué, charmé, mais en même temps mal à l'aise. Je ne me sentais pas digne d'entrer en contact avec une présence si douce, si réconfortante. Je pensais à toutes les mauvaises choses que j'avais faites dans ma vie et je pensais qu'avant de pousser plus loin ma relation avec cet être étranger que j'ai identifié plus tard comme étant le Saint-Esprit, je devais faire un effort pour me purifier ou pour devenir une meilleure personne. C'est alors que cette présence a prononcé cette phrase que je n'oublierai jamais. « Tu n'es pas comme ça ». J'ai immédiatement compris ce que cela signifiait. Cette réputation de mauvais garçon que mes semblables m'avaient donnée, que je m'étais approprié et dont j'étais fier jusqu'à un certain point, était contestée par cette présence nouvelle à l'intérieur de moi. Et j'ai imaginé un court instant la personne que je pouvais devenir. J'ai appris plus tard que cette image correspondait à la personne que Dieu voulait que je devienne. Je devais maintenant décider si j'allais conserver l'image de moi que mes semblables me renvoyaient ou au contraire, croire le portrait que le Saint-Esprit dépeignait. Cela a vraiment été un choix facile et je ne l'ai jamais regretté. Oui, effectivement, mon estime de moi ne se fonde plus sur ma relation avec mes semblables, mais sur ma relation avec le Seigneur Jésus. Alors que j'étais encore un pécheur, Dieu m'a accepté tel que j'étais réellement, puisque c'était de l'intérieur de mon cœur qu'il me regardait. J'essaie depuis d'être à la hauteur de sa confiance. Romains chapitre 10, versets 9 et 10 nous présente clairement le salut que Dieu a planifié pour nous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il est également écrit dans Philippiens chapitre 1, verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Celui qui place sa confiance en Dieu n'en aura jamais honte. La mort de Jésus-Christ sur la croix a annulé la puissance et la conséquence du péché. Et lorsque vous acceptez ce fait par la foi, vous n'êtes plus esclave du péché. Vous aimez les enseignements du Dr Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue En contact qui reprend ces enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.